c'était pourtant bien parti. Dès la troisième minute, Pérez avait marqué. Je voyais déjà la victoire de mon équipe. La France serait certainement contente. Platini, Platini, Platini, Platini, Platini, Platini. Il a fallu que les autres s'en mêlent. Ils ont égalisé. Désespoir des supporters. Pourtant mon équipe ne se décourage pas. Et elle marque. Nous. Des journaux, Platini relève l'équipe de France. Henri Michel n'était qu'un gros PD. On a bien fait de jarter. Platini, Platini, Platini, Platini, Platini, Platini. Mais si Michel a dit oui, mais voilà que soudain, en 10 minutes, le match bascule. Et Hugo marque. L'équipe de France, Michel Platini. Platini, Platini, Platini, Platini, Platini, Michel, le bon. Depuis ce jour, la France perd toujours. De la Coupe du Monde, elle est éliminée. Ça commence à craindre pour ma gueule. Ils vont remplacer par ce nain de Giresse. Crampons. Du con quoi.